Bienvenue à tous dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je vous ai un peu trahi. Et oui, j'avais promis que cette deuxième saison mettrait les dragues au placard pour aller voir du côté du reste du cabaret queer, de ces 1000 disciplines moins mises en lumière dans les médias et sur nos scènes. Et puis j'ai croisé la route d'un monument, d'une encyclopédie, d'une archive vivante et lip-syncante de drague, et j'ai pas pu résister. Alors aujourd'hui, je reçois l'immense, la magnifique Sugar Love. Mon Dieu, bonjour Sugar. Bonjour, mais merci de m'inviter. Bah, c'est vrai qu'on s'est croisés vraiment vite faire. Hein. Ben oui, à cette réunion de rêve scolaire il y a quelques semaines. Parce que tu es militante, moi aussi je suis militante, et voilà, bam. Bam, ça crée des ponts et tout, c'est chouette. Merci de m'inviter, vraiment, je suis vraiment contente d'être là. Ben, je suis trop contente de t'avoir, parce que j'avais pas pu avoir en première saison de drag queen qui en font depuis longtemps, et toi tu fêtes... Cette année, tes 20 ans de pratique dans le milieu. Ouais. J'ai beaucoup vu ici, j'ai vu les choses évoluer énormément. J'ai vu Bruxelles évoluer aussi. Parce que oui, 32 ans de Bruxelles, mais oui, le 28 avril. Tu me disais en préparant cette émission que tu as débarqué comme ça un jour à la gare avec tes valises. Ouais. Tu parlais brésilien et anglais. Ouais. Et voilà, 32 ans après, je suis une jeune bruxelloise. Bruxelles, c'est ma ville, vraiment, c'est ma ville. Ah oui, tu ne devrais plus déménager ailleurs, ça y est. Non, t'as trouvé tes racines ici, là, c'est bon. C'est trop tard, je suis bruxelloise de cœur. Formidable. Eh bien, avant de parler justement de toute cette histoire que tu as vue défiler et que tu as contribué à faire, parce que Sugar Love, c'est pas n'importe qui dans le milieu du drag bruxellois, eh bien, commençons par voir un petit peu qui tu es. Qui est Sugar Love? Sugar Love, c'est vraiment un mélange de... Bah, déjà, c'est old school. Hein. Old school, ça veut dire on aime bien les grosses perruques, les grosses fesses, un peu à la Marilyn Monroe. Mm-hmm. Donc, moi, je suis une drague très basée sur l'ancien, hein, très dramatique, très Hollywood. Très Hollywood, très européen aussi, dans le sens de glamour, on va dire. Extra glamour, j'adore. Yes. Et où est-ce que tu as commencé? Déjà, est-ce que tu pratiquais pas le drag avant d'arriver à Bruxelles, du coup? J'ai toujours, depuis l'âge de 5 ans, je m'habillais déjà, je mettais des robes, j'adorais les perruques, j'adorais voir les stars, j'étais très vers cette côté femme. Ok. Jamais. Professionnel, non. J'ai commencé ici en Belgique. Vraiment, c'est ici que j'ai eu l'opportunité de commencer à apprendre l'art de drag. Et au Brésil, quand tu étais jeune, il y avait une scène transformiste, une scène drag, une scène cabaret que tu as pu aller voir déjà? Moi, je venais de la campagne du Brésil, mais le Brésil a une culture drag très forte. Mm-hmm. Même pendant la dictature, on a eu des drags qui ont se battu. Hein. Donc, c'est la culture drag brésilienne, elle est hyper forte. Et je parle ça avant de RuPaul. Hein. Je parle des années 70. Mm-hmm. Et moi, j'ai vu ça. J'ai venu de la campagne, mais je voyais ce qui se passait ailleurs. Et pendant la période des années 80, où on avait le sida, j'ai eu l'opportunité de créer un personnage, déjà une femme, un personnage drag. Mm-hmm. Et que j'ai milité dans les écoles, on allait montrer comment utiliser les capotes. Parce qu'à l'époque, c'était la seule chose qu'on pouvait faire, c'est éviter le virus. Ouais. Et donc, j'avais un personnage, une drague, qui apprenait les jeunes à utiliser des capotes. Mais mon drague était né ici, en Belgique. D'accord. Oui, parce que là, c'était vraiment... l'idée, c'était plus ce qu'on appellerait du transformisme, de vouloir vraiment ressembler à une femme. Oui. Où il y avait déjà ce côté mise en scène exagéré Un peu, parce que toutes les stars que j'adorais, c'était les plus extravagantes, hein, Marlene Dietrich et compagnie. Donc, c'était des femmes extra glamour. Et c'était ça, mes références de Hollywood. Ouais, et qu'est-ce qui fait, du coup, que tu as passé le pas en... Parce que si je calcule bien, il t'a fallu une bonne dizaine d'années après ton arrivée sur Bruxelles pour... mettre le pas sur scène en te disant drag queen. C'était Sugar Love dès le début? Oui, presque. J'étais un peu perdu pour créer mon nom, pour trouver mon nom, mais après c'était Sugar Love presque du début. Mais c'est une longue histoire, mais en fait j'ai mis mon frère a fait du drag avant moi. Donc, du coup, mon frère, en 2 ans, il est devenu connu à Bruxelles à l'époque du Coucou Bar, c'est les anciens bars de drag queen. Avant, chez maman, il avait le Coucou Bar à Bruxelles. Qui était aussi dans le centre. Ah oui, derrière chez maman. D'accord. Donc, c'était la référence du drag à l'époque. Et mon frère a commencé au Coucou Bar avec Vanessa Van Cartier. Ouais. Qui était baby drag. Oh, wow. Ah oui, elles ont commencé ensemble. Et du coup, mon frère était déjà connu. Et quand l'opportunité est arrivée, en 2005, mon frère dit, écoute, essaye de faire avec nous, pourquoi pas, on va s'amuser. J'étais en pleine dépression parce que j'avais quitté mon copain. D'accord. 11 ans de relation. Et du coup, j'ai commencé à faire le drag. Et le drag m'a sauvé aussi. Super. Ouais. Super. Et aujourd'hui, si on va voir un show de Sugar Love, on peut s'attendre à quoi? Encore old school, je suis très attaché au old school, mais j'ai commencé, comme je t'ai dit au début de l'interview, j'ai commencé à sortir avec beaucoup de jeunes artistes, j'apprends énormément, je partage énormément aussi les choses que j'ai vécues, donc on a une bonne chimie avec eux, et je commence à oser aussi, donc bientôt je vais même créer des soirées à Bruxelles, et je sors ça en première ici. Hein. Oh là là! Oui, c'est vrai. Tu t'en fous en premium comme ça. Yes! Et donc, voilà, j'ai des choses, je veux faire des choses nouvelles aussi parce que pour moi, c'est un défi aussi. Pas rester coincé dans mon old school, mais aussi montrer que je suis capable de faire très moderne aussi. Et alors, parce que avant de parler vraiment de. Tu parles déjà des jeunes et tout, ça, on en parlera plus tard, mais toi, en 20 ans, parce que là, tu dis que tu as envie d'aller voir un peu ailleurs, de te renouveler et tout ça. C'est fou. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé dans ton drag? Est-ce que tu as affiné quelque chose ou est-ce que vraiment, en fait, tu as changé de manière de faire et que tu as vraiment évolué très, très fort? Déjà, le maquillage. Mon maquillage a fort changé. Ça change tout le temps. J'essaie d'évoluer, de ne pas rester coincé dans le même maquillage. Après, oui, comme je te dis, je reste un peu coincé dans le old school parce que moi, j'aime bien cette référence des femmes, extra femmes, volume. Pulpeuse, oui, avec des grandes hanches et tout ça. Oui, mais je suis en train de m'adapter aussi et d'échanger un peu. Je trouve que c'est important d'évoluer le personnage. Après, oui, peut-être avec l'âge, je suis plus capable de faire comme je faisais avant, danser comme une folle sur scène. Je n'arrive plus à faire ça. Donc, je préfère maintenant des numéros plus calmes, plus mon âge, on va dire. Et après, aussi, je rêve de faire des autres choses avec mon drag. J'adore faire des photos, des collaborations avec des photographes. Ah ouais. Et j'adore les vidéos. Comme j'avais ma chaîne YouTube, pendant des années, j'ai travaillé des vidéos. Je rêve de faire ça aussi. Films, documentaires, qui sait. Ah ouais, carrément. Ah oui. De passer sur les plateaux de cinéma autour. Oui, je trouve que c'est très intéressant tout ça. Et voilà, je continue, je kiffe faire mes performances, mon playback, mais je voulais faire des autres choses différentes. Okay. Et tu incorpores aussi des performances qui parlent de l'histoire du drag, qui parlent de ton histoire dans le drag. Ou est-ce que pour toi, c'est important d'amener ça sur scène, d'en faire le sujet de performance, ou bien ça, c'est autre chose, c'est ailleurs, et sur scène, il faut juste faire briller Écoute, moi, je suis un peu drag à message. Ok. C'est ça que tu voulais... Non, mais bah, si, c'est aussi un peu apprendre à mieux te connaître artistiquement. Moi, j'aime bien faire une chanson qui me parle, une chanson... Je déteste cette idée, ah, il faut faire ça parce que c'est à la mode. Cette chanteuse, elle est à la mode. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours trouvé des chansons déjà qui me parlent, qui a un petit message qui me parle, que je dois sentir la chanson. Sinon, je peux pas faire. Ouais. Donc, et toutes mes chansons ont un message dans les paroles, ou peut-être parce que la chanteuse, elle avait une carrière militante, par exemple. J'ai fait Myriam Makeba, Pata Pata. C'est une chanson très connue. Déjà, c'est une chanson de 1967, l'année que je suis né. Mais après, c'est pas que ça. C'est pas qu'une chanson gay, heureuse. Myriam Makeba, c'était une femme hyper militante qui s'est battue énormément contre l'apartheid en South Africa. Donc, pour moi, c'est un honneur faire Myriam Makeba. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et est-ce que ça, c'est important pour toi? Parce que tu vois, il y a plein de gens qui ne savent pas ça, par exemple. Ah ouais. Pour eux, quand ils entendent Pato a Pata, c'est juste une chanson pour se déhancher. Africaine, et tout. Exotique. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, tu t'amènes aussi explicitement ce contenu-là sur scène de dire, mais en fait, c'était aussi une femme militante? Si. Ouais. Si. Et comment tu fais ça, du coup? Quand j'ai l'opportunité de parler au micro, je parle. Mmh. Toujours, je rappelle le nom, Miriam Makeba, je parle de son parcours. Et c'est drôle, parce que quand j'ai fait Miriam Makeba, je suis possédé par quelque chose. J'ai une force, une énergie. Elle est morte sur scène. Eh oui. Elle est morte après son spectacle. Elle a terminé son spectacle, elle est rentrée en coulisses, elle est morte. Paf. Et quand j'ai fait Miriam Makeba, je la sens. C'est comme je dois faire un hommage à Miriam Makeba. Donc voilà, ça c'est mes performances comme ça. Waouh, formidable. Plongeons quand même déjà dans l'histoire, parce que donc toi tu dis que tu restes avec des formes, avec des trucs, etc., mais que tu as vu tout ça a changé. C'était comment le drag quand tu as commencé? Déjà, est-ce qu'on appelait déjà ça du drag ici? Non. Ici c'était transformiste. Mm-hmm. Travelotte en français, ça donnait travelotte, travelot, et transformiste. Moi, oui, j'ai connu avec le mot transformiste. Et c'est surtout transformiste parce qu'en fait, c'était des artistes qui faisaient des imitations. Ici, on a eu un grand, il est encore là, Alain de Coucoubar. C'était un des plus grands transformistes, on va dire, que j'ai connu. Mm-hmm. Alain était capable de commencer son spectacle en Sylvie Vartan et terminer en Tina Turner. Oh, wow. Il passait par Cher, c'était incroyable. Oui, et chaque transformation, c'était identique. Mmh. Il maîtrisait les pinceaux comme un génie. Et ben voilà, après... Et donc là, l'idée dans ces premières performances-là, c'était vraiment d'incarner les icônes de la pop, les grandes chanteuses de l'époque. Bah, tu disais, oui, Cher, Sylvie Vartan, on a eu aussi beaucoup de Céline Dion, de Mylène Farmer, etc. C'était vraiment ça l'objectif. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils utilisaient le mot transformiste. Mmh. Parce que c'est transformé en Sylvie Vartan, en Cher et tout. Après, avec l'arrivée de RuPaul, avec son émission et tout, tout a commencé à changer, parce que ça est devenu très populaire, accessible. Après, Internet aussi a aidé avec les tutoriels sur YouTube. Et voilà, le drag a évolué doucement. Maintenant, on a toutes les nuances de drag. Hein. Et toi, du coup, quand tu as commencé, tu as fait des actes de transformisme? Des imitations ça, dans ce sens-là, vraiment des imitations d'icônes. Non. D'accord. Non. J'ai refusé de faire des transformations pour me rassurer. Non, j'aimais bien. J'étais toujours comme ça. J'aime bien être différent de tout le monde. Voilà. Ça, c'est moi aussi. D'accord. Et donc, à l'époque, oui, toi, tu as vraiment amené Sugar Love avec ton interprétation. Ouais. Ça a dû déjà être un peu une révolution dans le passage de incarner des grandes stars à donner son interprétation propre et l'assumer. Peut-être. Oui, je me souviens que quand j'ai choisi mes chansons, oui, mais les gens disaient, oh oui, mais Sugar, les gens ne connaissent pas cette chanson. Ils vont connaître avec moi. Voilà. Depuis le début, je voulais faire mon truc et j'ai exagéré mon maquillage et les gens se disaient, c'est pas un maquillage, c'est un peu agressif. Mais moi, j'aimais bien. Mmh. Et maintenant, quand tu vois tous les drag queens, c'est que ça. Tous exagérés. T'étais en avance. Oui, un peu. Mais oui. Super. Et donc, à l'époque, tu disais que c'était au Coucoubar que ça se passait. Oui. Et tu as vécu, du coup, la création de Chez Maman. Si. Qui est quand même considéré aujourd'hui comme, enfin, avec beaucoup de respect, mais comme l'ancêtre du drag à Bruxelles. Oui, comme ce 30 qu'il y avait ans. Avant. Ouais, c'est 30 ans de Chez Maman. Après, j'ai vu aussi la naissance du Cabaret Mademoiselle avec Boop. Et après, bon, l'agenda. Ouais. Mais avant, c'était différent, parce qu'à Bruxelles, on avait le Coucoubar, on avait des spectacles de drag partout, dans tous les bars. Ah oui. Bah, OK. Le Coucoubar, c'était vraiment le bar où tu vas aller pour voir des spectacles. Mais dans tous les bars de Bruxelles, les drags se promenaient. Donc avant, les drags, elles étaient très libres pour faire le tour de tous les bars de Bruxelles. Et donc, il y avait plus peut-être cette logique qu'on voit parfois, en tout cas de ce que j'en comprends dans le monde plus anglo-saxon ou quoi, de je viens faire un numéro dans ce bar-ci, puis une heure après, je suis dans ce bar-là pour en faire un autre, et puis hop, je balance encore dans un autre. Oui, avant, c'était comme ça. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, ça commençait à faire des ghettos. Les drags de chez maman, les drags du cabaret, les drags de l'agenda, les drags... Ah oui, à l'époque, ça circulait beaucoup plus. Oui, maintenant, j'ai trouvé un peu trop fermé. Mais ça commence à bouger, encore une fois. Et c'est bien, c'est bien. Maintenant que ça commence à changer encore. Super. Eh bien, on va se pencher sur tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Yes. Mais avant ça, une première petite pause musicale. Tu nous amènes une formidable chanson de... As Frenéticas. Dancing Days, qui est une chanson qui vient du Brésil. Oui, disco, complètement disco brésilien. Formidable. Eh bien, vous êtes sur Radio Panique. On vous laisse avec Dancing Days de As Frenéticas. Et on se retrouve juste après ça. Bonne écoute. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Panique, sur Freaks et Merveilles, ça déménage le brésilien, dis donc. Tu as vu, la disco brésilienne, même de la percussion, j'adore. Ouais, As Frenéticas, Dancing Days. Merci pour cette belle découverte. Merci à vous. Nous revenons pour parler de la suite de l'histoire de ce drag belge que tu as vécu et contribué à façonner. Et donc, on en était à la création de Chez Maman. Comment c'est né ? Toi, tu connaissais déjà les gens qui ont fait Chez Maman ? Non, c'est vraiment drôle cette histoire. J'ai eu l'opportunité de parler avec maman 25 ans après. Parce que quand j'arrivais en Belgique, en 93, il n'existait pas. Et j'avais l'envie de faire du drag. Et je me souviens qu'à l'époque, un ami à moi, qui était un Belge, il avait dit « Ah, Sugar, c'est dommage, parce qu'avant, il avait le Vaudeville, où il avait des drags au Vaudeville. Mais c'est fermé le Vaudeville. » Et j'ai dit, oh mon Dieu, donc j'ai raté l'opportunité d'être avec maman au début de Chez Maman. Et que chez Maman, ça, elle a commencé au Vaudeville, en tout cas elle pratiquait au Vaudeville avant d'ouvrir Chez Maman, c'est ça? Parce que le Vaudeville avait fermé. Voilà, c'était ça. Et 25 ans après, dans la loge, j'ai raconté à maman, je dis, tu vois, en 94, je voulais faire du drag, mais vous étiez... fermé au Vaudeville et tout. Elle dit oui, mais après on a ouvert. Elle dit mais tu vois, tu pouvais être une des débutants, des premières de Chez Maman. Et elle a dit tu vois la vie comme c'est bizarre. Tu as raté l'opportunité de me croiser au début, mais tu es avec moi maintenant. Mais oui. C'était toi, ça fait combien de temps que tu performes chez Maman? J'ai commencé avec maman. J'ai participé encore. J'ai pris les deux dernières années de maman. J'ai commencé en 2017, avant Covid. Et après, le Covid, maman a arrêté. C'est ça. Et maintenant, je performe un peu partout. Je continue à performer chez maman, mais je vais un peu partout. À Bruxelles, avec Blanquette Lagoulue, ma copine et tout le monde. Mais oui, tu vas participer au Goodbye Show de Playback. Yes. Le dernier show dans un bar de Playback. Oui, je sais pas qu'est-ce... Peut-être, je crois qu'elle est en train de préparer quelque chose. Je dis, c'est pas normal. Blanquette prépare toujours quelque chose. Oui. Il y en a plus d'un tour dans son sac, celle-là. Mais du coup, chez maman. Donc, chez maman, ça a été un peu quand même quelque chose qui a centralisé le drag à ce moment-là. Parce que tu nous parlais un peu plus tôt de ces camps un peu et tout. Moi, de ce que je sais, puis en fait, on en avait parlé dans le tout premier épisode de l'émission où j'avais reçu la veuve pour parler d'histoire du drag à Bruxelles et tout. Mais bon, la veuve qui a commencé des années après toi, donc c'est une enfant par rapport à toi. Tous un enfant comparé avec moi. Et donc, la période de chez maman, qui est un peu le moment où toi, tu as commencé à faire du drag, il continuait à y avoir des drags dans les bars un peu partout, etc. Et qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que ça s'est un peu arrêté, ça, que ça s'est un peu... Ben, je crois que le Covid a changé tout. Hein. Après le Covid, on a vu une différence partout, dans tous les bars. Mais même avant, si on remonte bien avant, parce que tu vois, il y a eu un moment où il y a eu la création du cabaret Mademoiselle. Si je me souviens bien, c'était vers 2018-2019, oui, plus ou moins quelque chose ça, comme ça. Mais encore avant ça, dans les années 2000-2010, il continuait à y avoir du drag dans les bars et tout ça. Ça continuait à circuler à ce point-là? Oui, c'est. Ouais. D'accord. Et maintenant, je crois que chez maman, elle est restée un peu le old school. C'est ça que je vois dans la drague. Maintenant, il y a le potiche aussi qui a commencé. Oui, il a un autre bar à drague. Mais le potiche essaie de mélanger un peu les univers. L'agenda, ça reste très jeune, très... Ouais, très party. Ouais. Très moderne, très jeune, new school. Le cabaret Mademoiselle, ça reste un mélange comment s'appelle ça? Du cabaret de... Non. Oui, du cabaret burlesque, ah oui, c'est le mot. Oui, oui, burlesque, pôle, oui. Et tout ça. Donc, c'est une belle mélange aussi. Et chez maman, continue aussi un peu old school. Voilà. Oui, parce que même le cabaret Mademoiselle, quand ils ont ouvert, c'était plus dans cette optique. Oui. Alors, un peu bar, en tout cas, on dansait. Et puis, de temps en temps, il y avait un show. Et puis, on continuait à danser. Et burlesque aussi, surtout avec... Et feuillage, comment on dit, les feuillages, que j'adore aussi. Et mais voilà, mais je crois qu'il a il a toutes les nuances de drague à Bruxelles. Hein. Mm-hmm. On a pour tous les publics. Mais oui, ouais. Et parce que tu vois, je vois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup moins de drague dans les bars. Il y a beaucoup plus cette logique de du spectacle, du show, où on va venir, on va s'asseoir 2 heures et on va regarder un show pendant 2 heures. Oui. Ça se faisait pas trop avant, du coup, de ce que tu me dis. Oui, non. Et ça, je suis très fier. Une chose que je commence à voir maintenant, c'est que les dragues commencent à organiser des soirées elles-mêmes. Ouais. Donc, une ou deux drag queens qui se mettent ensemble pour organiser une soirée. Au drag king aussi, hein. Ouais, on ne peut sûr, pas oublier. Oui. On a plein de drag kings à Bruxelles. Donc, je suis content de voir les enfants commencer à prendre le devant. Ouais. Parce qu'avant, on travaillait pour quelqu'un d'autre. Tu vois? Oui, c'est dire? Ça. On avait un patron. Qui nous engageait. Oui. Et maintenant, non. Ben voilà, et Blanquette, c'est la reine pour ça. Hein. Mm-hmm. Et elle a commencé à faire ses soirées, mais des pièces de théâtre, tout. Oui. Et comment t'as vécu ça, toi, ce passage de « on performe sur les tables » ou « on performe au milieu des gens dans les bars » à « on met un public devant des dragues qui performent ». Ah, je trouve génial. Oui, c'est une sacrée révolution, ah, ouais. Ça. Si, si, si, tout à fait. Moi, quand j'étais avec Blanquette au théâtre, encore une fois, on était à Hatt, dans un théâtre avec 500 personnes. Mm-hmm. Devant 500 personnes, c'était incroyable de voir tous ces gens-là pour voir des drag kings et drag queens. C'était vraiment magnifique. Je trouve que c'est très important, ça. Mm-hmm. Partager notre art avec un grand public. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu me disais aussi en préparation de l'émission que tu avais aussi commencé dans des Ducasse, dans des fêtes plus populaires, quoi, en extérieur. Hyper populaire. Tout ça. Ouais. C'est important pour toi aussi, garder ce rapport-là. Oui, tu sais quoi, moi j'adorais. J'ai travaillé beaucoup avec Jesse Jess, c'est une drague de Hatt, et on était partout dans la région d'Hatt. On faisait des kermesses, mais populaires. Hein. Saucisses, tu vois, saucisses, qu'on donnait à manger aux gens, des frites, et il y avait les dragues qui faisaient des spectacles. J'ai trouvé le public magnifique. Mm-hmm. Et je parle des paysans, hein, des paysans, des gens du champ qui travaillaient le champ et tout, ouais, qui venaient vers nous découvrir l'univers de drague. Moi, j'ai trouvé magnifique travailler avec les gens comme ça. Oui, parce qu'on a aussi beaucoup cette image dans les milieux culturels ou dans les milieux queer et tout, que les villes, c'est des endroits plus safe, et puis la campagne, c'est les endroits où il ne faut pas trop aller, quoi. En gros, il y a parfois un peu cette image bizarre. Mais toi, en fait, tu étais très bien accueilli quand tu allais faire des shows là-bas. Très rarement qu'on a eu des gens qui nous regardaient bizarrement. Mais c'était vraiment... Je parlais de la campagne. Hein. On parlait des villes de 2-3 000 personnes. Ouais. Et on était au centre, à côté de l'église, en train de faire notre performance, avec tous des paysans qui étaient tous avec les yeux comme ça. Oh, moi, j'adorais vraiment. J'ai eu des bons moments à la campagne. Très bien. Et ça, parce que ça aussi, j'ai l'impression que ça se fait un peu moins. Je crois. Tu sais pourquoi ou tu... C'est très bien que tu mets ça, parce que je trouve que beaucoup des jeunes aujourd'hui, ils trouvent très important avoir un local safe. Mmh. On parle beaucoup de ça. Ah, c'est safe. Oui, c'est très important d'avoir un local safe. Mais c'est très important de militer aussi et de sortir et montrer que nous sommes là aussi. Pas se cacher. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et puis, il y a aussi ce truc de rester entre soi. Oui. Et puis, comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis. Oui. Mais prendre le risque, en fait, d'aller... et en fait, souvent, ça paye. Si, avec attention quand même. Il faut toujours être... Quand on faisait des spectacles dans une kermesse, on savait, tout le monde était au courant. Mais on était là, on s'est montré, on parlait avec les gens, on expliquait qu'est-ce qu'on faisait. Donc, c'était une forme de politique, de faire la politique aussi. Mm-hmm. Et voilà. Oui, c'est une forme douce, mais quand même une forme de militance. De... Et puis de montrer que, voilà, c'est pas parce qu'on est des dragues... Que nous sommes des... Des monstres. Des monstres. Super. Super. Si on fait un petit bond en avant, il y a eu la naissance du cabaret Mademoiselle. Ouais. Là, tu performais déjà depuis un sacré quelques bon fois. Moment. J'ai même remplacé Boop une fois. Hein. Oh là là. Oui, j'étais très honoré. Boop m'appelle et dit, écoute, est-ce que tu peux, parce que je ne peux pas venir. Bah, j'étais là. Non, mais moi, je n'ai pas de problème. Je performe partout avec tout le monde, vraiment. Et bon, après, Boop, elle a lancé elle-même, elle a lancé l'agenda, mm-hmm. hein, qui a commencé après. Mais après, même, c'est pas, on continue à faire un peu des spectacles partout, dans tous les bars. J'entends parfois des gens qui opposent un peu chez Maman et le cabaret Mademoiselle, etc. Et ben justement, même chose, Boop était venu dans les premiers épisodes, je crois le troisième épisode de l'émission, pour dire qu'en fait, ça s'était fait assez naturellement, l'ouverture du cabaret, parce que comme tu dis bien, il y avait cette envie d'ouvrir à d'autres disciplines, d'avoir du burlesque, de l'effeuillage, de la pole, de la danse, du chant, enfin plein d'autres choses que du drag. Et que chez maman, ce n'était pas trop possible parce que c'était trop étiqueté drag. Je trouve ça toujours étrange que, tu vois, a posteriori, on oppose comme ça et on se dit un peu « Oui, c'est que chez maman, ce n'était pas bien et c'est pour ça qu'elle est partie. » Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, mais je crois que tu as tout dit. Et même à propos de Potiche aussi, la Diva Live voulait faire un cabaret où il y a des chanteurs live, où les gens chantent. Donc, c'est déjà un autre univers. Et moi, je trouve ça génial qu'on a tout. Et chez maman, ça continue encore, old school. Je trouve que c'est chouette aussi pour conserver un peu la tradition de old school. Yes. Et en parlant d'old school, justement, les pratiques aussi ont pas mal évolué. Aujourd'hui, on met de moins en moins des pads, on met de moins en moins des faux seins, des fausses fesses, etc. Et donc toi, tu disais justement en début d'émission que c'est peut-être des choses que tu questionnes un peu, c'est ça ou... Tu sais quoi, au début, j'étais, parce que je viens d'une vieille génération, donc j'étais fort, hip pads, corset, des gros seins et tout. Et après, quand j'ai commencé à regarder les jeunes qui sont presque à poil, ou qui parfois ne se rasent même pas, le pectoral poilu et tout, j'ai trouvé bizarre parce que pour moi, ce n'était pas naturel, pas normal, ce n'était pas de la drague. Mais... En parlant, en discutant, j'ai commencé à apprendre. Et après, j'ai vu aussi que les choses ont évolué. Oui. Et maintenant, j'adore, je trouve que c'est génial. Et en plus, ça montre aussi que chacun les pronoms parfois en français, je me perds un peu. Chacune, oui. Voilà. C'est très important d'être toi-même. Mm-hmm. Si ton drag, elle est poilue, elle aime bien montrer le cul, fais-le. Sois heureux. Et fais bien. Mm-hmm. Surtout, fais bien. Ouais. Voilà. Donc, je trouve que chacun doit vraiment faire son truc et être libre. Super. Et toi-même, parce que tu disais que tu commences à questionner un peu des choses, à réfléchir à ça. Oui. Donc, on peut même parler de ça, hein, parce que moi, j'avais lancé une soirée à l'agenda. Ah, mais oui, t'as dit ça en début de podcast. Le 30 mai, après la Pride et tout. Hein, et nous sommes en train de préparer un spectacle vraiment bien. Ça va parler de la famille drag. Donc, j'ai mes sœurs, mes filles ensemble. Et je vais montrer Sugarlove d'une façon complètement différente. Donc, voilà. Faudrait être exclusive là, pour toi, encore une fois. Yes, faudrait être là pour découvrir, quoi. Ouais. Donc voilà, seulement pour te dire, oui, que j'ai envie aussi de montrer que je suis capable aussi de faire des choses et complètement sortir de ma zone de confort. Mm-hmm. Et ben, en plus, tu parles famille. C'est important pour toi la famille drag? Je crois. Parce que ça, en Belgique, j'ai l'impression. Alors, il y a un petit peu. On sent qu'il y a des sororités ou des affinités qui se font. Mais la famille, vraiment comme les house qu'il y a aux États-Unis et tout, ça n'y a pas trop. Pour toi, c'est quand même important de dire que tu as des sœurs, des filles. Et que... Déjà, pour moi, c'est très important le partage. Partager ton art. Moi, j'ai appris avec les anciennes, avec my drag mother qui a fait du drag. Je l'appelle drag mother parce que c'était la seule qui a vraiment eu de la patience pour me dire fais ça. Et elle a partagé sa connaissance. Et moi, depuis le début, j'ai partagé tout ce que c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Mm-hmm. Parce que c'était une façon aussi d'apprendre aux autres les choses que j'étais en train d'apprendre. Et donc, la base de drag, de la famille drag, c'est ça, le partage. Donc, j'ai appris des choses, je passe ça à toi, et après, tu vas passer à quelqu'un d'autre. Et après, rester unis, ensemble, voilà. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça le principe de la famille drag. Oui. Et parce que j'ai l'impression que la question est ce qui est un peu en train de se dessiner aujourd'hui, c'est un peu des cours de drag, où des gens viennent vraiment payer pour qu'on leur apprenne les ficelles, etc. Toi, tu poses quel regard là-dessus ? Parce que tu vois, en même temps, je me dis, c'est un peu à l'encontre de la famille où il y a quand même ce côté où, entre guillemets, c'est gratuit. Enfin, on va pas commencer à demander à des gens à payer, mais on s'entraide et tout ça. Oui, je suis d'accord. J'ai déjà fait ça aussi. Mais alors, je me défends. Hein. J'ai beaucoup de drag de filles. J'ai beaucoup appris, énormément appris aux autres gratuitement. Mais pendant Covid, par exemple, on a eu une époque où je n'avais pas d'argent qui rentrait. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont demandé si je pouvais donner des cours. Donc, j'ai donné pas mal de cours aussi. Hein. Mais j'ai beaucoup de filles que j'ai appris gratuit. Hein. Chez maman, on a les débutantes une fois par an, où on va ouvrir la porte de chez maman pour donner l'opportunité à quelques dragues. Et alors, chaque année, j'aide énormément de gens. Oui, c'est comme des filles, parce qu'elles ont appris beaucoup de choses que je transmets. Le faux cul, comment il faut couper la mousse, comment faire le maquillage. Donc, j'ai continué à passer mes informations. Ouais, les informations. Et en parlant d'informations, une des dernières révolutions en date, ou en tout cas un des gros événements du drag en Belgique, c'est l'arrivée de Drag Race in Belgium. Yes. Deuxième saison et peut-être la troisième. Ouais, peut-être une troisième. Parce j'entends même parler d'un All Stars. Je me dis comment on fait un All Stars après deux saisons, mais bon, c'est des petits bruits de couloir. Mais quel regard toi tu portes sur Drag Race Belgium ? Bah écoute, j'ai jamais été un grand fan de RuPaul's Drag Race. J'aime bien l'émission, mais depuis le début, je ne trouvais pas... Oui, parce que j'ai fait du drag déjà avant. Et attention, j'ai connu RuPaul aux années 80. Oh, wow. Moi, quand j'arrivais en Belgique en 93, j'ai parlé de RuPaul et personne ne connaissait RuPaul. Hein. Et moi, je disais, oui, je voulais faire du drag avec des grosses perruques. Et je me souviens, une drag queen ici à Bruxelles m'a regardé dans les yeux et a dit, mais... Qu'est-ce que tu veux dire par drag queen? Drag queen, ça vient des États-Unis, c'est un personnage très exagéré. Tout. Réponse de la drague, ça ne marche pas ici. Ici, nous sommes des transformistes. Et alors, donc, RuPaul n'était pas connu du tout. Mais quand j'ai commencé à regarder l'émission, je trouve chouette, je trouve génial. Ça a ouvert énormément de portes partout au monde. Mais la chose que je n'aime pas dans ce genre d'émission, c'est que beaucoup de jeunes croient que ça va changer leur vie, que c'est essentiel de faire ça. Et après, les gens disent que je suis en train de critiquer l'émission. Non, je ne critique pas. Mais il ne faut pas croire que c'est un truc qui va sauver ta carrière. Et que du jour au lendemain, il y a 1000 portes qui vont s'ouvrir dans tous les sens. Et que, ouais. Quand pour moi, la chose plus importante, c'est de travailler ton drag jour par jour, chez toi, dans les petits bars, dans des kermesses, dans des ducasses. Vive le drag, le vrai drag, partout, en vrai. Et après, si ça marche, tant mieux. Mm-hmm. Mais il ne faut pas rester en train de penser que c'est la chose plus importante au monde. Ah, j'ai pas réussi, je n'étais pas accepté. Et alors ? Alors, tu continues à travailler. Yes, eh bien, merci pour ce beau petit regard sur RuPaul Drag Race. On va se faire une deuxième petite pause musicale. Pour varier, tu nous amènes une chanson sur laquelle tu as performé, sur laquelle tu performes toi-même régulièrement, pendant que les champs brûlent de Niagara. Oui. On vous laisse avec ça. Vous êtes toujours sur Radio Panique. Et juste après, on revient pour la suite de Freaks et Merveilles avec Sugar Love. Thank you. et dans étrangement de circonstances de chanter pendant que le champ brûle alors qu'il fait 30 degrés au début mai. Ça c'est vrai, énormément chaud ici. Oui, il fait très chaud dans le studio de Radio Panique pour cet enregistrement. Et tu me disais que c'est une performance que tu fais tout en sobriété. Oui. Tu ne fais que onduler une cigarette à la main pendant 4 minutes. C'est un performance. Personne ne comprend comment, quand je termine cette performance, je rentre dans la loge, je suis mouillé, je transpire partout. Et les gens disent, mais comment tu transpires comme ça si tu n'as pas bougé? Mais en fait, toute la performance, c'est vraiment calculer les mouvements et tout. C'est très musculaire. Et voilà, je me donne à fond. Trop bien. Super. Eh bien, pour cette dernière partie, on va parler déjà. Oui, oui, parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on papote. Ça va vite. Je parle beaucoup. Ça va vite quand on s'amuse. Non, mais c'est super. C'est très intéressant. On va parler un petit peu d'une partie de ton activité qui malheureusement s'est arrêtée brutalement. C'est que tu avais jusque très récemment une chaîne YouTube. Ouais. Tu avais plus de 100 000 abonnés. 129 000 abonnés. Presque 20 ans de travail chez YouTube. J'étais la quatrième drag queen sur YouTube. Ah ouais, au monde. Confondu. Et voilà. Oui, j'ai vu une vidéo où tu montres ta plaque de 100 000 abonnés et tout ça. Et du coup, YouTube a décidé, l'excuse c'était que je mettais des vidéos avec la nudité. Et je n'ai jamais fait ça. Et je trouve vraiment que c'est quelque chose contre les drag queens, contre la communauté queer. Je trouve pas une autre explication parce que j'ai jamais exposé quoi que ce soit de nudité. Oui, parfois nous les drag queens, nous sommes avec des bas, comme des danseurs de ballet. Mais oui. C'est des bas hyper épais, on voit rien. Et voilà, je sais pas pourquoi. Ou bien il y a une espèce de faux nu, quoi. On a des combinaisons chères ou quoi. Mais c'est très rare que je mettais ça. Et du coup, non, leur excuse c'était que non, c'est bon. Et maintenant, c'est fini. Ils ont enlevé ma chaîne d'un jour à l'autre. J'ai perdu tout. 50 millions de vues. Tout est perdu. Ah oui. Poubelle. Alors, oui, donc ça, c'était notamment cette chaîne YouTube, un moyen, comme tu disais, de transmettre. Oui. Parce qu'il y avait des tutos sur comment tailler des hippettes, comment se maquiller, comment bien s'habiller, tout ça. Je crois que le premier tutoriel sur YouTube qui apprend à une drag queen à faire vraiment, c'était le mien. Il y avait un avant moi, après j'ai développé ma technique et j'ai posté le mien. Donc j'étais un des premiers drag queen à mettre des tutoriels. Et voilà, perdu, c'est fini. J'étais très mal la semaine passée, mais... Oui, parce que c'est tout frais. Vraiment, tu l'as appris il y a une semaine. Et complètement perdu, c'est fini. YouTube a dit que c'est fini, c'est bon. Et alors, j'ai pris quelques jours, comme Phoenix. Je suis là, je continue. C'est pas ça qui va me faire arrêter. Au contraire, ça me donnait encore de la force pour continuer à faire mes projets ici en Belgique. Ouais, mais super. Et d'ailleurs, j'ai vu en préparant l'émission que tu as un Patreon. Oui. On peut aller t'aider en te donnant de l'argent pour justement te... Et là-bas, ça c'est chouette parce qu'au moins là-bas, je suis libre pour mettre tout ce que je veux. J'ai mis beaucoup de vidéos aussi de backstage. J'ai demandé aux filles, j'ai demandé à tout le monde si je pouvais filmer. Ben voilà, alors on papote, on rigole. Parfois, j'ai montré des changements, des costumes et tout, où j'ai coupé les choses que vous ne pouvez pas montrer. Mais donc, je mets beaucoup de backstage aussi. D'accord. Ouais, sur Patreon. Patreon. Et avec cette envie, en tout cas, tu parles sur ton Patreon, l'envie de faire des clips musicaux, de faire des vidéos, d'aller là-bas. Et puis, t'en parlais déjà plus tôt dans l'émission. Ça, ce serait peut-être la... Alors, the next step, c'est déjà organiser des shows. Et tu sais quoi? Une chose que j'ai rêve, vraiment, je ne suis pas chanteuse, je n'arrive pas à chanter, mais je rêve de faire de la musique. J'adore la musique électronique. Et par coïncidence, la Belgique, c'est un grand pays de électronique. Déjà depuis les années 90, l'électro-belge, ça... Donc, je rêve de ça. Ouais. Un jour, si j'ai un peu d'argent, je vais produire des chansons. Attention, je connais bien Paradox, qui a fait des chansons pour les Queens de Drag Race Belgique. Paradox, il a beaucoup de talent. Ouais, peut-être un jour. J'adore ce qu'il fait. On a quelque chose en tête. Oh, on va voir. Maintenant, il manque de l'argent. Un petit duo, oui, c'est ça. Donc, il faut aller aider, il faut aller donner sur Patreon. Venez, donne-moi de l'argent. Pour les grands rêves. Mais alors, mais au-delà de ça, bon, peut-être ça va être peut-être un petit peu bateau, mais bon, quand même, cette destruction de tout ton travail et cette fermeture de ton compte par YouTube, ça arrive dans un moment quand même très particulier de notre histoire. Mmh. On sent que... Tout à fait. Bon, aux États-Unis, vraiment, le basculement est acté, mais que même en France, en Belgique, l'extrême droite monte, le fascisme monte très vite, très fort. Quel regard, toi, tu poses là-dessus ? Puis toi-même, tu disais, au Brésil, alors j'espère que toi, tu as vécu pendant encore la dictature ? Si, ouais. J'ai grandi. Ben, la dictature a fini au Brésil en 84, au 3, qu'on a commencé. Le premier président élu, c'était en 85. Ouais. Plus ou moins élu, mais le premier qui était vraiment fini, la dictature. Ben, oui, j'ai grandi avec la dictature. Ouais. C'est ça que j'ai parlé au début. C'était une dictature militaire. Ouais. C'était la dictature des colonels au Brésil. Ah oui, mais bien sûr, comme en Argentine, au Chili et tout. Ouais. Et ben voilà. Oui, c'est vrai qu'on est en train de vivre des moments bizarres. Et je trouve que c'est ça aussi qui a provoqué la chute de ma chaîne YouTube. Parce que je ne trouve pas une autre explication. Une haine contre la communauté queer. Mmh. Je crois que ma chaîne recevait beaucoup de... J'ai vu que c'était ça quand je faisais mes lives. Il y a 3 mois, j'ai commencé à faire des lives sur YouTube où j'avais 60 000 vues par live. Et entre les 60 000 vues, j'avais tellement de commentaires, des haines, mais énormément. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il avait cette haine vers la communauté queer claire. Et je crois que c'est tout ça qui m'a fait la chute de ma chaîne. Et pour dire, oui, c'est vrai qu'on vit des moments bizarres, mais c'est ça que je dis aux jeunes, il faut continuer à se battre, il ne faut pas avoir peur et continuer à se battre parce qu'on a l'habitude de se battre et il ne faut pas baisser la tête. Espérer. Ouais. Et si tu devais... Alors après, c'est à la base pas pour ça que je t'invite, mais si tu devais dire comment se battre ? En continuant à faire nos shows, en continuant à exister publiquement. Tout à fait. Et pas avoir la haine. Contre la haine. Oui, il faut pas avoir peur et pas avoir la honte d'être et de vivre comme tu veux. C'est comme il y a 2 semaines, il y a une manifestation devant l'ambassade de l'Angleterre, du UK. J'étais là. Suite à une décision des UK de retirer des droits aux femmes et aux femmes trans et tout. Et alors, il faut aller, il faut manifester, ben voilà, il faut se battre, parce que de toute façon, on n'a fait que ça, notre histoire queer. On a toujours battu. Hein. Et comme je disais avant de commencer l'interview, il y a eu une époque, quand j'ai grandi, on était obligé de se cacher. On ne pouvait pas s'exposer du tout. Donc, on était obligé tout le temps d'être caché. Aujourd'hui, non, on peut sortir, on peut se battre, on peut parler à la télé. Il faut continuer à se battre et pas baisser les bras. Mais oui. Et alors, bon, un plus petit niveau, mais ça compte aussi. Nous, on s'est rencontrés, on s'est croisés à la première réunion de Rêve Colère. C'était magnifique, c'était super. Oui, ou d'ailleurs, tu as pris la parole pour dire effectivement que tu trouvais que c'était splendide que ça se passe. Et donc, Rêve Colère, pour les personnes qui nous écouteraient mais qui ne sauraient pas, si j'ai bien compris, donc Rêve Colère, c'est une ASBL qui veut justement promouvoir le drag, les arts du cabaret, etc., et qui a commencé une première réunion, mais il va y en avoir d'autres. J'ai pas les dates. Toi, les dates ? Je crois que la prochaine, c'est mardi matin, si je dis pas de bêtises, ou mardi midi. En tout cas, n'hésitez pas à contacter soit Blanquette Lagoulu, soit Rêve Colère. Je crois que c'est rêveaupluriel.colère@gmail.com, quelque chose comme ça. Ou alors venez sur les réseaux de Frix et Merveille ou par mail sur Frix et Merveille, je vous dirai. Mais il y aura d'autres réunions. Et donc, l'idée, c'est d'organiser les arts du cabaret queer, donc le drag, la pole, le burlesque, tout ça, ensemble, pour aussi qu'on puisse avoir des droits plus forts, pour qu'on puisse peser dans la balance, etc. Donc, si vous êtes professionnel ou semi-professionnel dans les arts du cabaret, venez, rejoignez-nous, parce que c'est un mouvement qui commence, et Dieu sait que c'est important au début de ce genre de mouvement qu'on soit beaucoup pour donner de la force et de l'élan à tout ça. Hyper important. Et c'était génial de voir de toutes les nuances de l'art queer de Bruxelles ensemble, en train de discuter, de partager notre expérience. C'était génial, c'était vraiment bien. Et c'est ça, voilà, encore une fois, ensemble. Eh bien, super. Eh bien, je pense que c'est un très bon point de conclusion de cette belle heure qu'on a passée ensemble. Avant de te laisser filer, j'ai quatre petites questions rituelles que je pose à tout le monde. Here we go. Sans le drag, tu serais devenu quoi? Tu serais devenu qui, Sugar Love? J'ai fait des études de biologie. D'accord. Parce que j'adore la nature. J'adore la nature, j'adore les plantes, j'adore les animaux. Mais je crois, si j'étais pas une drague, j'étais un prof d'art. D'accord. Oui, quelque chose d'artistique. D'art vivant, genre de théâtre ou de danse. Oui, ou de... si. Ou acteur. Uh-huh. Mais voilà. Ok, merci. Je suis sûr de ça. Et tu serais resté au Brésil ou non, tu serais quand même parti? Non, j'étais. Oui, parce que l'envie de partir de mon pays, on pouvait discuter ça un autre jour. Hein. Ah oui. La immigration. Ouais. Depuis l'âge de 5 ou 6 ans, quand j'ai déjà été un peu drag queen déjà, je voulais parler une autre langue. D'accord. Je ne sais pas expliquer le pourquoi, mais je me souviens que je faisais à ma mère, je faisais... Ma mère, qu'est-ce que tu fais? Je parle anglais. J'avais l'envie d'apprendre une autre culture. J'étais très attaché par des cultures d'ailleurs. D'accord. Et voilà. Et je suis là, ça fait 32 ans. Ouais, la preuve. Tu ne bouges plus. Non. Et tant mieux pour nous. si tu as tout le budget du monde pour faire un show, qu'est-ce que tu fais? Oh, non. Je ne fais pas un show, je fais un film. Oh, wow. Si. OK. Et d'ailleurs, j'ai des projets. Donnez-moi l'argent. Donne-moi d'argent, allez dans mon Patreon. Non, je voulais faire un film ou un film avec des dragues ou dédié à la communauté queer. Okay. Un film, parce que je suis passionné de films. Ou un documentaire? Les deux. Les deux. Les deux, mais un truc hyper sérieux. Voilà. Un film. Je suis passionné des films. D'ailleurs, j'adore le musée du cinéma de Bruxelles, qui a la troisième plus grande collection de films au monde. Oh, wow, mais je ne savais même pas ça. Bruxelles, mon Ouais. Tu vois? Est-ce que vous parlez beaucoup, ton corps et toi? Dans quel sens? Dans le sens que tu veux. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous dialoguez? C'est quoi vos rapports? Oui. Oui, un peu, ouais. J'ai un rapport très fort avec mon intimité. Mm-hmm. La petite voix que tu as à l'intérieur de toi, je l'écoute toujours. Toujours. Parfois, elle va contre tous les autres, mais je la suis. Et j'étais toujours bien avec ça. Super. Ouais. Et mon corps aussi, hein, si, dans le sens que j'écoute mon corps. Parfois, il dit arrête, et j'arrête. Ça, c'est bien, ça. Ah oui. Et puis bon, je crois que j'ai la réponse, mais plutôt Freaks ou plutôt Merveille, Sugar Love? Tous les deux. Ah! Tous les deux. Pourquoi tous les deux? Moi, je vois le Freak dans le sens d'être... J'étais toujours contre le courant. C'est pour ça que j'ai déjà donné le bouquin de Lewis Brooks. Ah oui. Je suis passionné pour les gens qui vont contre tout. Ouais. Donc ça, Lewis Brooks, c'est ta recommandation culturelle qu'on va découvrir. Oui, c'est une anti-star, une anti-star qui allait contre les choses. Donc pour moi, le Freak, c'est ça, c'est être toi-même. Et quand tu es toi-même, les gens vont t'appeler Freak déjà, non? Parce que tu n'es pas comme eux. Et Merveille, c'est ça. Mm-hmm. Nous sommes merveilleux, nous sommes uniques. Eh bien, merci beaucoup. Oh, merci à toi. Oui, c'est déjà la fin de l'émission. Tu m'invites encore une fois, alors on va faire notre parcours. La partie 2. Quand on aura fait un film, oui. Je t'invite pour en parler. C'est un grand merci. Un grand merci à vous tous. Merci à toi d'être venu. Et puis, longue vie au drag, longue vie au queer et longue vie à Sugar Love. Et sois fier de vous. Oui, merci beaucoup. Voici qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. Rendez-vous dans 2 semaines pour une émission tout en impossible, courbe et en beauté sauvage, puisque j'y reçois la contorsionniste Gabrielle Reygaard, une autre personne que j'ai rencontrée à Rêve Colère. D'ici là, il y a plein d'autres épisodes à aller écouter. N'hésitez pas à recommander le podcast sur ces différentes plateformes pour qu'on gagne en visibilité. Et si vous souhaitez être informé des actus du cabaret queer sans passer par les réseaux sociaux, contactez-moi par mail et je vous inscrirai sur la newsletter Glitter Garage. Freaks et Merveilles @protonmail.com.